sociologue, je suis le médecin, le patient bloqué dans la passion. Contre les traites, pas d'antidote, je cherche la lumière, mais j'ai trop d'idées sans. Je prends du recul, j'avance encore plus. Pas de manière, pas de vis, pas d'astuce. Rien à perdre, j'y crois et j'abuse. J'étais pas là, mais je vois que ça m'accuse. Je fais des erreurs, cherchant la solution. Putain, à perdre, je connais ma mission. Dieu est grand, moi c'est petit. Si t'as pas les chronos, on a l'appétit. Comme d'hab, je prends des risques. Je suis dans le mal, je suis dans le déni. Les erreurs, je les ai comprises. Mais impossible de faire demi. Comme d'hab, je prends des risques. Je suis dans le mal, je suis dans le déni. Les erreurs, je les ai comprises. Mais impossible de faire demi. Toujours au cas où, j'sors de la Tesla. De la caisse quoi, qu'est-ce qu'y a? J'ai là, tu fais la star, c'est la Tesla, fais la fiesta. Faut les illuminer, faut que mes ennemis, j'vais les terminer. C'est you enemy, j'suis sur terminé, j'pense à faire la monnaie. Il faut les Shelby, mais c'est des Shell Gumi. Toujours paré pour corps à corps. A fond sur la corniche, passe les rapports. Tu sais pas faire, t'es pas si fort. Prato carénage, vais ce qu'il est pas. T'es brouillé, j'ai remis le tarif. Frangin t'as coulé, poto qu'est-ce qui t'arrive? J'fais du noir du festif. Des fois ça varie, à fond dans le vel, ça résonne jusqu'à Paris. Numéro uno. T'es hésitant, c'est la mi-temps. Fais demi-tour, j'ai mis les gants. Petit costaud, très élégant. Organisé en même temps, j'pars en deux temps, j'suis dans les temps. J'attends pas que les choses se passent, j'fais tout pour créer l'occasion. Ils étaient fans à la base, ça te fume pour récup ta place. Depuis 14 ans je brasse, c'est pas pour autant que je réside dans un palace. À tabac 200 francs en pleine rue comme Lucas. Le fio, zac pas la parole. J'roule à 2-4, la gosse affole. 4 années de salaire pour ma bagnole. Y'a qu'un groupe qui font les marioles, pas de tafiole. Ils sont prêts à tout pour briller comme Luciole. Quitte à tchouper comme les trans à curiole. Pour la bonne cause, t'allume devant ta piole. Tu vois pas mes faiblesses car souvent je rigole. Langonas, PK dans le navire. Vie de king, j'ai battu mon empire. À chaque tir, on peut traumatisé. Bleu et blanc, on gaz, gaz, gaz. Comme des villes si en bas de chez moi, on reste toujours à la page. Pas besoin de toca, tu abois, mais ne mords pas. Elle reste pas tout, devait permis. Elle veut se glisser en dessous, s'abîmer le vernis. J'ai vu des cœurs avant qu'il ternisse. Je suis dans la ruse comme une mère, elle me crie ara. Provesse qui est pour qui ville si aka. Ce qui paraît, t'es méchant, méchant, méchant. Mais dans nos hommes, on parle rap. Mais plus au présent, full compagnie, c'est marcher sur une jante. Un crapaud au réveil, je mets la roue en l'air. Solidaire, sur mon cartel derrière. Merci le jeu, on va casser des enceintes. On vise les sommes les plus confortables. Pas besoin de port d'armes. La guinée devant le portail. Débrouillard, je suis insociable. J'ai fini le jeu, si la daronne a tout ce qu'elle veut. Deux, trois commerces au nom de ma reçue. Rolex Cartier pour le daron, je veux 4-5 portons me défiscaliser. Reste Jack Tell, la guitare d'Alidé. Sky est au ciel, trop de peine habitée. Par les souvenirs, les promesses effacées. Je vous fais danser, ils ont tous de papa. On encaisse, on fume, on trace, on parle pas. N-A-N-I, gang, pas de tracas. On pisse dessus aux bandes de fada. Je vous fais danser, ils ont tous de papa. On encaisse, on fume, on trace, on parle pas. N-A-N-I, gang, pas de tracas. On pisse dessus aux bandes de fada. Je me réveille, je fais gonfler ma paix. Je cours car le problème arrive. Cœur rempli, je dois vider la tête. Je marche assoiffé dans un désert aride. 3-5-7, Magnum 18. Prochain album, je cours circuit. J'ai des millions dans le viseur. Ils croient m'attirer avec un biscuit. Star for love, tout ce que j'ai fait pour l'oseille, mais tous pardonnent. D'après ce que mon Dieu m'a dit, tous pardonnent. C'est pas ce que pense la justice, je comprends rien. Je crois qu'il me faut une traductrice, on s'est aimé. Jusqu'à se détester, je suis passionné. Le soir, je craque des VST, ma vie c'est comme un jeu SCDLC. Je me dirige vers la LDC en GLC. Salut. Parti de rien comme Michael Lee. Chang, je vais délire comme lui. Faut récup de l'eau dans le puits. Puis, abreuver toute la famille. En ce moment, j'ai plein de mana et elle parle pour toi. Tiens, ta qu'elle va. Faut que tous ceux qu'on batte qu'elle m'a. Faut que tous ceux qu'on batte qu'elle m'a. Y'a le RIS. Fais pas le chargleur. J'ai mis un coup de croix, ça fait tomber le chargeur. Musique, c'est ZD, le long chargeur. Comme si je l'ai déployé en résurgence chargée. Là je vais m'en charger pour qu'elle rente et qu'elle ne m'attarde. Mais j'arrive comme frère Mouzien, t'es clair à taille. Dans la Wersi caille vite, mais sous que je taille. Ça veut la Rolex ou la Dayto, ça finit à huis clos. Tu grandis, le temps passe. Je vois toute la vie du hublot, tu m'as vu en cupra, je suis monté d'une octave. On fait partie des grands sarbis avec Agou les gants, je suis toujours dans le banc. Ils veulent savoir combien j'ai chiffré, ils ont tendu l'oreille, on a sorti les dents. Faut la biquiche, l'assertif, il me faut le salaire du KB9 dans l'élastique. Mais c'est des chocs sur Azerty, quand ils sont tempés dans la street, c'est des mecs pisse. Je fume un peu Frad Nador, sa mère j'rapporte, j'suis en 12ème rapport. Je vendis ton guest à peau, j'ai le que truc sur la peau, elle veut monter à bord. Toujours au pitch, des boulons de deux. R2 au clé, gros RS3. J'peux même pas charger ta raquette sans les cas. Ils font la malasse ou RS à le 5. Et comme on veut plus, faut le RS6. Bien au plancher, les est sur la hasard. Et comme c'est la guerre, faut un P38 ou un 9 tout 9. Ancien numéro 10 sur le terrain, c'est le gérant qui met les 11. Ça coupe le détail avec le Pinel 12. RTV avec la bande organisée. Bisous sur l'étoile, bienvenue dans le 13. J'suis une DZ, j'suis en bombe. Et Toi tu rages, t'as trop le seum, je te comprends, c'est normal, t'as la rage, c'est normal, mais bon, faut rester cordial, m'écris pas le sein vocal. Malade salade, et viens me la faire, je me balade, consommateur de salade, et va là-bas. Il se trouve intelligent, en plus il me fait l'exigence, c'est juste un colleur de gens, et va là-bas. Quand je rappe, c'est de l'art, tu refais la déco, c'est le 13 si tu dois, mais que tu payes pas, c'est chaud. On fait ça pour le QR, un petit peu pour le buzz, mais y'en a pour le buzz, ils suceraient pas Tchéco. Mes petits frères au quartier te vendent que de la NASA. Dealer dans mon cœur ne rentre que la Fafa, les hommes comme à Gaza. La prof dit qu'on descend du singe. Demain, je remonte de Malaga. Très organisé de puta madre. C'est la zone, c'est la rue, saturée pour un bourré qui me font les voyous, mais c'est pas vrai. Je les porte sur mes épaules pour qu'ils montent sur un coup. Pour noyer ma peine, je descends une cristal. Un flash de vodka et je divague. Je rappe un indépendant, je vais pomper personne, pas les couilles des tendances. Buteur comme Gilas, la prod, je la défonce. Je protège la famille comme un défenseur. Madame pas contente, elle veut me défoncer. Ce matin, je suis rentré, j'étais trollé, ouais. C'est Fabien, je reviens des ténèbres, tu t'y attends pas. Ah, c'est beau. J'ai feinté le quartier, j'ai fait une drogue pas. Oh là là, c'est chaud. Et les BDA, je leur fais un gros doigt. Et mon cardio, il est épuisé, je fume trop le taga. Je rentre dans le game, rebeu en roue arrière. Tous mes bloods n'ont rien à perdre. 9 mm qui dépasse dans la sacoche. Resserre un verre au roule un cerf. J'ai gardé la pêche, ça a apporté ses fruits. Quand je joue ma rure, t'es plus dans le circuit. J'ai gardé la pêche, ça a apporté ses fruits. Quand je joue ma rure, t'es plus dans le circuit. Brrrt. J'ai des problèmes, j'ai des soucis. J'passe en appel, j'prends pas de sursis. Malédiction, sa mère la pute. J'suis à la hauteur de ma répute. Tu veux un vide gros, ça se discute. Pour un terrain, ça se discute. 200 000 autos, tu me fais planer. KO, j'suis plus dans les temps. En même temps, j'suis bien calé. Et pas les steaks, je le fais en rappant. La vie de ma mère, je suis trop dépassé. Ces hypocrites sont devenus lassants. Je crois qu'ils ont senti que je vais tout raser. Rayon, t'as cramé. T'inquiète pas, tout ce c'est un par un, on se les fait. De part de la concurrence. Ça y est, on t'a cramé. T'inquiète pas, tout ce c'est un par un, on se les fait. De part de la concurrence. Tout ce que j'ai appris tout au long de ma vie, c'est qu'on grandit dans son malheur. Si tu vois les chemises tout au bout de la rue, fais comme l'eau, tout dans la l'air. Toute ma vie j'ai dû déconner, toute ma vie on m'a rionné. Du lundi au lundi, l'été dans les affaires, ton histoire est chantier, on l'a bétonné. J'ai les canines, j'suis à la lime. On investit dans des drôles d'affaires, mais pas dans les trafics. J'ai rappé toute ma vie, aujourd'hui on en est là. Un sacré majouli, ma Elena Madaba. Ok, faire ou bien, la team G-Sport. Et la note kiffe les délires interdits au niveau max. Car le réel marque, la plupart de nos balles viennent de Serbie. Dealer baby, combien de mères mortes, de chagrin, combien de fils de reines mortes. Est-ce un destin? Organisé. Boum, boum, boum, au bout sonore à la hauteur de ce groupe de la cause. Mine fort pound et les mines. Yali Manoué où t'étais. Staff AI où t'étais. Maroco Komodo on était là. Dès le départ ouais où t'étais. Dès le début musique de rue. Mis de côté boycotté. Marseille ville trop côté. Chauffe chauffe trop monté. Chaud faut pas nous toucher. Clic clic pan à côté. Alhamdoulilah protection. Free Palestine protection. J'peux tuer la prod dans un couplet. Si j'veux j'mets un doublé. Il est noir, il est rempli. Ça vient, ça te fume, ça accomplit. Logo, allemand. Tu parles pour rien, t'es infatigué. Trois fois, filtré. On perd, on gagne, on se refait. Devant le guichet pour ta CB. J'ai mis Frozen dans OCB. Très organisé. C'est toute la France qui va glisser. Dopé, OP, pas coqué. Sur scène, à l'époque, on est choqué. Faut croquer. Avant que la vie te smoke. Vaut mieux éviter de trop la ramener. Ta femme elle a pu, je vais la ramener. La zik m'a appelé, je me suis ramené. Marseille s'est carbonisé, pas besoin d'abuser. On arrive, on a toujours la tactique. Cœur froid comme l'Antarctique. M-I-K-D-E-L-I-T, très organisé, toi on s'est pas quitté. Tenue full black sur la moto. T'es comme Marco, tu Verratti. T'entends la rafale dans le dos, pas le temps de retourner que c'est reparti. Pas de juge pour nous traumatiser. Association de malfaiteurs, bande organisée. Le soir j'parle à mes démons comme Aniki. Crois pas que le shit va me canaliser. Je rappe pour ceux qui la coupe, la recoupe en temps de pénurie. Sans peine, ça dépouille les plus démunis. Ça met le kilo de machin dans les Pirelli. Chez nous, la vie est hardcore. Tu peux être traumatisé par des crimes atroces. Sa vie dans des blocs où ça pue la piste. Toi, t'es comme ça, le plafond de ton pote, tu la pisse. Les veines ouvertes dans le noir avec ma lampe torche. Je crois que je vais me remettre à revendre dans le Porsche. Le vrai rap, les vaillants demandent encore. Écoutez du Nixel, c'est comprendre, t'es pas d'accord. Je prends le au jazz. Mais bon, les raisons, il faudrait que je décore. Jules, merci pour la passeté à la déco. C'est le 13-15 dans la Benz. Dans la surface, je suis capin. Pas la même verte que Popeye. Fils le top 10, je le titue, je suis le capitaine. Et dans la zone, on a qui vend à perte. Fais pas l'ancien, voilà, tu pues la merde. Dans le secteur, y'a des mineurs qui bossent. Tu vois le G, moi je vais voir le boss. On va filtrer dans la boca. Sur je petit joueur devant l'occasion. Je m'en passe qui, moi c'est A, V, R. On est partout et ça vous met les nerfs. C'est des jeux qui bossent. Je m'en bats les couilles comme un Kelele. T'inquiète, le cause, on est dans le move. On s'organise, des games va se mêler. Ça fait de Marseille, QNC, CVZOO. La rage dans le sang et bien sûr qu'on fait les fonds. On s'est pris des frappes, on s'est même plus les coups. On a vendu la mort, ils nous ont tous mis sur écoute. Si on veut te guetter, te casse pas, on t'encape. Trouver trop monté parce qu'il a pris un snap. Pourtant on doute, hop, on vient en contact. Comme Gabriel, on joue l'arsenal. Eh nique sa mère, les faux, c'est la crapulerie, des souilles dans le faux faux. Freestyle pour les foufous qui se lèvent le matin pour faire des sous-sous. Et au quartier c'est chaud, c'est chaud. Y'a les képis qui font des tout-tours. Gros à sa coucou. Croire à sa coucou. Ouais c'est la crapule et à tout Marseille en bas d'organiser. Ouais ça nique les schmitts, ces bâtards veulent nous localiser. J'ai pris la route du succès, vu la vitesse sûre j'fais un excès. Faut faire en sorte d'être un exemple, j'casse les portes, j'attends pas qu'on me donne l'accès. J'suis comme une lionne sortie de la cage, le gym m'a mis sur un coup j'fais un braquage. Très organisé, la porte faut la casser, j'suis sur le terrain, j'vise le haut de la cage. Toi tu t'endors quand il se fait tard, nous en chino, j'suis dans mode fêtard déter. J'trouve des mélos sur la guitare, j'me dois de représenter tout le secteur. Je rentre avec le classique, nique ta mère. Gentil ou méchant, je fais les deux. Rien à foutre de ce que tu rappes, ce que tu frappes, ce que tu tapes. Pourtant je suis dans le next level. Where you're from, je m'en bats les couilles. La nuit tombe, les ombres aussi. Un point d'argent, un point de mire. Ça plie, la chair est plus gros que toi. Sous le fer, y'a la peau. Sous la peau, y'a les os. Sous les os, ça tremble. Aquarium dans le bac, les civils rentrent dans le bloc. Ça vient du 13015, tu sens l'odeur de la muerte. J'tourne un bandit dans la cité, j'suis excité. Fais gaffe à ton fiston dans le check, il peut vite se faire inciter. Malade, j'te fais le signe, j'me balade. Tu peux me croiser vers la calade, sinon à console la calée. J'm'en irai loin de là, ici j'suis plein de nerfs. Y'a ce qu'il faut sous le matelas, si tu cherches les amers. Yeah. Ce soir je te pète après midnight. Mission express pour décompresser. Dans la caisse outfit all black. Pas de skinny que des gros bonnets. Tu l'as bien compris, on est remonté. La famille s'agrandit, tu peux nous compter. Tu peux prendre des paris si tu veux miser. On vient tout rafler. On va t'organiser. Je suis en mode victoire, en mode trunk. Je suis en mode pétard, en mode frunk. Je suis en mode Kawhi, Leonard, Vince Carter. Concours, je suis en mode dunk. Vas-y fais le V, rajoute 102 pour la psychiatre. Fais le V, ouais, ouais. Fais le V, psy. Vas-y fais le V, rajoute 102 pour la psy 4. Fais le V, ouais, ouais, Vincenzo de la psy 4.